Vivre Libre, Raphaël Bonny. Vivre Libre, Liberté en Christ. Vivre Libre, Vivre Libre, une émission de Fréquence Vie. Amis auditeurs, bienvenue à votre émission Vivre Libre. Et la Bible nous dit que Jésus libère. La semaine dernière, nous étions avec le pasteur Néan Félix. Néan Félix, et il nous parlait de l'alcool, de l'alcoolisme. Nous avions parcouru une partie, hein. Nous avons parlé de l'alcool, son origine, et puis comment est-ce qu'on devient alcoolique. Et puis nous avons aussi brossé brièvement la dépendance, hein, ce qui amène les gens à consommer de l'alcool parce qu'ils ont des problèmes. Ils se donnent de multiples raisons qui n'est vraiment pas valable, n'est-ce pas, pasteur? Si. Les gens se donnent des raisons pour boire, mais en réalité, c'est des raisons qui montrent la faiblesse de l'homme devant ses responsabilités. Mmh. Ils pensent se cacher derrière l'alcool pour essayer d'effacer leurs problèmes. Mais les problèmes ne sont jamais résolus. Oui. On s'endort, on se réveille, les problèmes sont là, peut-être plus élargis qu'avant. Oui. Au lieu de les affronter... Quand il y a un combat, il faut affronter le combat. Si vous avez gagné, vous avez gagné. Si vous n'avez pas gagné, vous avez perdu. On ira en Coupe du Monde. On va affronter des grandes équipes, telles que la Colombie. La Colombie n'est pas une petite équipe. Mais les Ivoiriens doivent l'affronter. Si on a gagné, on a gagné. Si on a perdu, on a perdu. L'homme aussi doit faire face à ses responsabilités. Alors, parce que la semaine dernière, vous avez souligné que l'alcool n'est pas, ne se digère pas. Alors, il est vrai, vous l'avez affirmé, l'alcool ne se digère pas, mais est-ce qu'il n'aide pas à la digestion? L'alcool n'a rien à voir dans ce domaine. Ce sont les fruits qui permettent de digérer. L'alcool, à peine parvenu dans l'estomac, il s'infiltre à travers les muqueuses de l'estomac pour s'introduire dans le circuit sanguin. Alors, dans ce circuit sanguin, il reste inchangé, il parcourt tout le corps en suivant, comme je l'ai dit la semaine passée, le circuit du sang pour arriver au cerveau pour troubler les fonctions du cerveau. Donc l'alcool n'est pas un digestif, s'il vous plaît. Toute l'OMS est d'accord pour dire que l'alcool n'est pas un digestif. Celui qui utilise l'alcool comme digestif, il boit parce que l'alcool a un effet euphorisant. Il a une certaine joie et il peut manger sans se rendre compte. Il mange une certaine quantité à cause de la joie qu'il a de manger parce que l'alcool stimule son cerveau. Et il consomme une certaine quantité qu'il ne devrait pas consommer. Et il pense que c'est grâce à l'alcool qu'il a eu l'appétit. L'alcool ne donne pas l'appétit. L'alcool est un toxique. On l'appelle toxique. Le mot toxique vient du grec toxikon, qui signifie poison. L'alcool est un poison pour le corps. Quelle que soit la quantité qu'on consomme, l'alcool nuit au bon fonctionnement du corps. Le pasteur nous a démontré la semaine dernière comment l'alcool nous fait perdre le contrôle de certains de nos sens, si on peut le dire ainsi, hein, nous fait perdre l'équilibre étape par étape. Comment, à partir de cette gorgée, selon la quantité que nous avions l'habitude de consommer comme alcool, comment notre organisme s'adapte et on devient dépendant, et comment la montée de ces substances-là jusqu'au cerveau nous fait perdre l'équilibre, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit que l'alcool, en arrivant au cerveau, il fait un coup d'état. Un coup d'état direct qui n'échoue pas. Parce que s'il échouait, les gens arrêteraient de boire. Mais il n'échoue pas parce que, arrivé dans le cerveau, il modifie le comportement de l'homme. Et c'est cette modification du comportement de l'homme que les gens préfèrent souvent. Mais déjà dans la bouche, les conséquences néfastes commencent. Dans la bouche, il y a des organes de goût. il y a les glandes salivaires. Dieu n'a pas mis ça pour rien. L'alcool va commencer à endormir les organes de goût. Et celui qui boit régulièrement n'a plus le goût de manger. Parce que les organes de goût sont tués. C'est comme de l'eau chaude qu'on a versée sur les herbes. Donc, quand les organes de goût sont presque inexistants, le buveur ne sent pas la nourriture. D'où il dit, je n'ai pas envie de manger, j'ai envie de boire seulement. Et c'est dangereux. Les glandes salivaires aussi seront attaquées et ça ne va plus produire la bonne salive pour mouiller la gorge. Parce que la salive, là, c'est comme un fleuve intérieur qui descend toujours pour permettre à l'œsophage d'être irrigué. Mais là, c'est dangereux. Parce que ça peut provoquer une maladie qu'on appelle l'œsophagite, si la gorge n'est pas régulièrement arrosée. Donc, il peut y avoir une cassure intérieure et puis le sang descend dans l'abdomen, ce qui représente un danger. Dans l'estomac, il y a des muqueuses. Mais l'alcool va arracher ces muqueuses-là, va tuer ces muqueuses comme il le fait dans la bouche. Et ça va laisser des petites plaies qu'on appelle, ça va faire des petites lésions. Et ces lésions peuvent se transformer en gastrite. Ce sont des petites plaies. Ces petites plaies-là peuvent devenir des ulcères. Et vous pouvez attraper un ulcère d'estomac. Mmh. Maintenant, au niveau du foie, l'alcool, le foie, son rôle, c'est, on dit que c'est une machine, c'est une usine. Le foie joue le rôle antitoxique. C'est lui qui débarrasse le corps de toutes ces saletés-là. Et quand l'alcool parvient au foie, le foie essaie d'éliminer l'alcool. Mais c'est un processus qui est compliqué. On appelle ça le métabolisme. Le métabolisme par le foie pour dégrader l'alcool ingéré, vous savez en combien de temps, il faut éliminer au moins 7 grammes d'alcool. Au moins, il te faut une heure pour 7 grammes d'alcool. Et ce processus-là, il n'y a rien pour l'accélérer. Rien pour l'accélérer. Le foie doit aller doucement. Le foie, pour ce temps, va sécréter des substances. C'est des liquides que le foie sécrète pour se mélanger à l'alcool, pour enlever la teneur du poison. Mais ces sucres hépatiques-là, ça devient encore un poison pour le foie. Et puisque l'homme n'arrête pas de boire, plus tard on verra comment le foie attrape la cirrhose. Maintenant, au niveau du cœur, l'alcool va dégrader le cœur. L'alcool va dégrader le cœur. Le cœur, c'est le moteur du sang. Voilà, je tiens en main une image du cœur. Nous sommes en situation radio, amis auditeurs, vous n'avez pas la possibilité de le voir, mais écoutez attentivement. Sachez-le, vous êtes à Vivre Libre et nous parlons de l'alcool, de l'alcoolisme, et puis nous parlons des conséquences de l'alcool dans une vie. Et là, nous sommes à l'étape des conséquences physiques. Vous voyez, un cœur normal, il est comme ça, il est rond, il pèse 2 kilos quelque chose. Mm-hmm. Et puis, il est normal, son rôle c'est de distribuer le sang et la Bible dit. Oui, et il a la forme de votre poing. Du poing. Oui, quand vous formez le poing comme ça. Oui, quand je forme le poing. Pas pour le combat, mais oui, pour montrer comment est le cœur. Le cœur de chacun d'entre nous est la taille de votre poing. Et il se trouve à la partie gauche de la cage thoracique. Alors, le cœur, même dès les premières heures de votre formation dans le sein de la maman, le cœur est formé. Parce que c'est un moteur que Dieu lui-même a mis en place. Dans le sein de la maman, il fonctionne. Vous tombez dans l'eau, vous nagez, le cœur fonctionne. On n'a pas besoin de mettre de l'essence dedans pour qu'il fonctionne. Son fonctionnement est naturel. Mais quand l'alcool arrive au cœur, il modifie les battements, le fonctionnement du cœur. Et il chauffe le cœur bat très fort. En battant très fort, il se dilate. Et quand il se dilate, il s'hypertrophie, il devient gros anormalement. Et quand il devient gros, il a beaucoup de liquide à véhiculer. C'est là qu'il crée souvent l'hypertension. Quand il devient gros, qu'il y a trop de liquide à véhiculer, il n'arrive pas. Alors, s'il devient gros, en même temps, la transformation de l'alcool par le foie, ça dégage une certaine graisse. Une graisse qu'on appelle la stéatose. La stéatose vient, se colle sur le cœur. Alors, vous avez un gros cœur qu'on appelle la myocardose. Aujourd'hui, la médecine est développée. On peut aller en cardiologie. Si vous avez un peu du pognon, on peut vous greffer un cœur si votre cœur est défaillant. Mais vous devez un homme raccommodé. Mais l'alcool peut aussi créer des lésions sur le cœur qui pourront se transformer en ulcère cardiaque ou bien en cancer cardiaque. Mais au fur et à mesure que vous buvez, vous êtes alcoolique, vous êtes dépendant de l'alcool. Pendant des années, esclave de l'alcool, le cœur va se couvrir de la stéatose. Il devient gros, lourd. Alors, vous allez changer de physionomie. Votre corps n'est plus alimenté comme d'habitude. Ça manque de la vitamine E. Et le corps n'est pas... Vous êtes pâle. Et quand vous grattez votre corps, on dirait une voiture qui a passé à la poussière. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un gros ventre. Le cœur que j'ai devant moi, c'est le cœur d'un buveur de bière. Le cœur devient gros, gros, gros. Et Dieu l'a placé dans un endroit où il y a, en haut, il y a le diaphragme. Et en bas, il y a d'autres éléments. Il y a les poumons. Dieu l'a placé au millimètre. Il ne doit pas toucher le diaphragme dans son fonctionnement. Il ne doit pas toucher aussi les poumons qui sont en dessous. Si le cœur devient gros, il est obligé de dépasser les limites. Et quelles conséquences? Et les conséquences, c'est que vous avez un problème cardiaque. Vous maigrissez. On est obligé de vous conduire en cardiologie pour vous donner des médicaments pour que le cœur cesse de grossir anormalement. Mais si vous n'arrêtez pas de boire, un jour, la graisse va couvrir tout le cœur. Et quand la graisse, la stéatose couvre tout le cœur va s'atrophier, c'est-à-dire il va diminuer anormalement. Il devient petit sous le poids de la graisse. Vous voyez les poulets, souvent quand vous tuez un poulet, tout son gésier est couvert de la graisse et puis le gésier est petit dedans. C'est comme ça le cœur sera. Mais là, vous ne pouvez plus arrêter de boire vous-même. Vous allez toujours boire parce que si vous n'avez pas bu, vous tremblez. Et il vous faut un peu d'alcool pour réveiller le cœur, pour qu'il se mette à fonctionner. Mais un jour, le cœur s'arrête. C'est ce qu'on appelle la crise cardiaque. Sous l'effet de l'alcool, le cœur s'arrête et vous mourrez. Maintenant, on a parlé du cerveau. Le cerveau, c'est le centre de la réflexion de l'homme. Si vous travaillez, il y a une personne imaginaire qui est dans votre cerveau qui vous dirige. Par exemple, un chauffeur qui conduit, il y a une personne dans son cerveau qui tient le volant. Et c'est lui qui dit au pied, c'est ce qu'on appelle les réflexes, qui dit au pied, attention, il y a danger. Et même s'il regarde devant, il pose son pied sur le frein, il peut freiner et puis éviter le danger. Si vous êtes au champ en train de marcher sur la route, il y a un serpent en dessous de votre pied, les nerfs qui sont en bas de vos pieds disent au cerveau, attention, il y a danger. Vous sautez avant de voir le serpent. Et c'est comme ça, Dieu, il est merveilleux, il a merveilleusement créé l'homme. Mais quand l'alcool arrive au cerveau, toutes ces fonctions, les réflexes, l'automatisme du corps, tout est bouleversé. L'homme ne contrôle plus ses actions, mais c'est l'alcool qui les contrôle. Soit les réflexes viennent tardivement, l'automatisme n'est pas normal, et c'est pourquoi sur nos routes en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'accidents. Le cerveau aussi contient beaucoup d'éléments. Il y a tellement de choses dans le cerveau dont on pouvait parler. Le cerveau contrôle nos besoins. Nos besoins sexuels, nos besoins d'amour. Par exemple, l'hypophyse, c'est un petit général, une petite machine qui est dans le cerveau, qui dirige nos affaires en bas. C'est l'hypophyse qui est comme le général qui dit, qui donne l'ordre à son subalterne qui est en bas, ben, il faut te mettre en marche. Et puis lui, il travaille. Mais avant le général, il y a l'hypothalamus qui règle tous nos affaires de besoins. Vous pouvez vivre avec une femme dans cette maison. Vous ne l'avez jamais aimée. Mais quand l'hypothalamus crée ce truc-là, même si la femme est dans le WC, vous voulez rentrer. Mais quand le cerveau arrive, tout ça, il va renverser. Au fur et à mesure que vous buvez. C'est pourquoi la plupart des alcooliques souffrent d'impuissance sexuelle. Parce que le cerveau est fatigué. Toutes ces petites machines que Dieu a mis là ne sont plus... Ils sont fatigués, ils ne peuvent plus fonctionner. Je parle en thème pour que les gens nous comprennent bien. Mm-hmm. Ça ne peut plus fonctionner. Okay. Et le gars, on dit qu'il boit du bonbon glacé. Oui. Ça pose beaucoup de problèmes à la maison. Le général ne peut plus donner des ordres et le lieutenant ne peut plus exécuter. Exécuter. Et ça crée des problèmes. Il n'y a plus de lieutenant dans la maison. Ça crée des problèmes. Ouais. J'étais en 81 en formation à la Croix-Bleue. À une époque, il y avait 21 malades alcooliques. Nous, on les appelle les pensionnaires, 21 pensionnaires. Mais sur les 21, il y avait 19 qui souffraient d'impuissance. Et quand le médecin doit venir aujourd'hui, « Ah, Félix, mais le médecin va venir. Moi, je vois que ma forme, là, ça revient, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Et un jour, je me suis approché du médecin et dit, « Laisse-les, quand ils vont faire 3 mois ici, que l'alcool va vraiment libérer leur corps, les généraux vont se réveiller. Ouais. » Ils pourront dire quelque chose. Okay. Donc, l'alcool neutralise tout le bon fonctionnement du corps. Mm-hmm. Maintenant, il y a le foie. Le foie, c'est une grande machine, c'est une usine. En tout cas, vous pouvez être malade partout. Mais évitez que votre foie soit malade. Si le foie est malade, au bout de 6 mois, vous attendez la mort. C'est pourquoi quand je vois les gens boire, consommer des produits toxiques, je dis, s'ils savaient, c'est vrai, le manque de connaissances a tué. S'ils savaient qu'ils sont en train de détruire leur foie. Le foie est chargé de métaboliser l'alcool. Par des enzymes. Mais ces enzymes-là deviennent plus dangereux pour le foie. Et c'est un système compliqué. Si vous buvez régulièrement, au fur et à mesure que le foie travaille, le foie se détruit à l'intérieur. Il grossit. Mais le malheur, c'est que les maladies du foie ne sont jamais accompagnées de douleurs. Vous pensez que vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas en bonne santé. Vous pouvez boire la bière, vous pouvez boire le liqueur à table, le vin que vous voulez, mais le foie s'en va petit à petit. Le foie qui est devant nous, que les autres ne voient pas, c'est un gros foie alcoolique. Il est à un stade qu'on appelle le stade précirrhotique. C'est-à-dire ce qui se prépare, tout le tissu conjonctif, c'est détruit et puis le foie pourrit, mais vous ne sentez pas. Ce qui se prépare dedans, c'est la cirrhose. À partir d'un certain moment, votre ventre qui était gros devient petit et quand on tape, on dirait un tam-tam bêté bien tendu. Il devient petit parce que le foie se ramollit il s'atrophie, il devient petit, petit, petit, déchiqueté par la cirrhose. Si vous avez la cirrhose deux fois, vos jours sont comptés. Et beaucoup de malades alcooliques meurent de la cirrhose deux fois parce que le foie a été déchiqueté par une consommation abusive de l'alcool. Mais quand vous êtes malade d'alcool, vous arrivez dans un hôpital, les médecins sont gentils, hein? Au lieu de dire un malade alcoolique, ils disent un malade éthylique. On essaie d'embellir le mot alcoolique pour parler de l'éthanol, pour vous tromper. Mais vous êtes malade d'alcool. Et si vous êtes un éthylique, vous avez une cirrhose de foie due à l'éthanol, vous allez mourir. C'est ainsi que les gens meurent petit à petit de l'alcool. Or, la Bible déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui détruit le corps, Dieu le détruira aussi. Celui qui se rend esclave par l'alcool n'est pas libre. Jésus nous a affranchis. Nous, nous sommes réellement libres. Mais si vous vous rendez esclave de la consommation de l'alcool, vous n'êtes pas libre. Vous êtes toujours esclave. Alors, pasteur, conséquences émotionnelles dans la relation avec les enfants et dans la famille. Oui. Quand l'alcoolique arrive à la maison, sa femme a peur. Parce qu'il est capable de battre sa femme. L'homme est le père de la famille. C'est ce que la première loi ivoirienne disait du foyer. Même si aujourd'hui qu'on dit l'homme et la femme dirigent le foyer, mais nous les chrétiens, nous pouvons hautement affirmer que Dieu a dit l'homme est le chef de la famille. Selon la Bible, évidemment. Selon la Bible. L'homme est le chef de la famille. C'est lui qui est chargé de l'éducation des enfants, de la scolarité des enfants, de la santé des enfants. Mais c'est lui qui boit. Il a perdu tout le contrôle. Et la femme, qu'est-ce que la seule femme peut faire? Il y a une femme qui me disait, « Pasteur, quand mon mari boit, je ne peux pas dormir avec lui parce que la nuit, il dégage une odeur nauséabonde. Tabac, cigarettes mélangées, ça donne une puanteur à tel point que mes enfants et moi, on ne peut pas dormir dans la chambre avec lui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse son mari. S'il tombe à terre, elle le met quelque part pour que ses enfants et elle puissent dormir tranquillement. L'homme perd toutes ses responsabilités. Mais c'est la même chose que la femme qui boit. La femme qui boit devient un danger pour toute la famille. Elle n'est pas économiste. Elle met les enfants en danger. Elle gère mal sa vie. Et tout ça, c'est dangereux pour un foyer. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur le foyer. Nous reviendrons la semaine prochaine sur les conséquences émotionnelles, relationnelles même. Et je crois que l'alcool même amène certaines personnes à perdre leur emploi. Oui. Et surtout, quand ils sont chauffeurs, c'est la vie d'autres personnes qui sont en danger. Nous serons là encore la semaine prochaine avec le pasteur... Néan Félix. Et nous étions avec Emmanuel Yao à la mise en onde de cette émission. Vive Libre, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais assisté de Alenassa. Merci et au revoir. Vivre Libre, Raphaël Bonny. Vivre Libre, Liberté en Christ. Vivre Libre, une émission de Fréquence Vie.